Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Alors bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Econophile, c'est notre rendez-vous hebdomadaire où on passe une heure à parler d'économie, à réfléchir aussi, bien sûr. En fait, c'est pour réaliser ce petit mandat, je vous dirais, je fais la lecture d'extraits de livres que j'ai choisis, des livres qui traitent d'économie au sens large ou qui touchent à l'économie par la bande. Un livre par semaine, une heure entière consacrée à ce livre et un invité aussi, une personne qui va nous parler. C'est ça, Econophile, un concept, ma foi, tout simple pour nous plonger dans un univers qu'il est effectivement peut-être un peu moins, mais qu'on s'efforce justement de rendre plus transparent, plus compréhensible et plus humain. Alors, bienvenue à Econophile. Alors, c'est une émission à laquelle vous pouvez contribuer, d'ailleurs. Je compte sur vous, donner signe de vie. Et c'est pour ça qu'on est là, hein, d'ailleurs. Allez aimer la page d'Econophile sur Facebook, bien entendu. Ça va vous permettre de nous suivre, de savoir ce qui s'en vient aussi. Ou encore de visionner ou lire des compléments qu'on pourra placer à l'occasion là, pour voir des choses intéressantes qu'on va publier. Et puis, en m'écrivant, ben des questions, des commentaires, surtout sur le thème de la semaine pour contribuer à la réflexion collective. Ce serait fort bien. Sur Facebook, pour me trouver, c'est facebook.com/Econophile891. Econophile891. Alors, allez faire un tour et contribuer, c'est très apprécié. Alors, cette semaine, on se gâte encore en mettant le nez dans un livre tout petit, mais au contenu vaste et nourrissant, je vous dirais. Il porte le titre très clair, d'ailleurs, sans aucun flou, vraiment, là, aucune ambiguïté. « Survivre à l'offensive des riches ». C'est vraiment ça le titre. Et c'est publié chez Éco-Société, la collection « Résilience ». Alors, survivre à l'offensive des riches, son auteur, c'est Roméo Bouchard. Je l'appelle, c'est un vénérable du sommet pour moi, que j'admire et apprécie beaucoup. Et là, vous dites, ça me dit quelque chose, ça, le vénérable du sommet. Effectivement, vous avez raison. Vous devez à présent escalader cette montagne. Tout en haut, vous trouverez le vénérable du sommet. Eh bien, ça nous changera des gouffres. Et que devons-nous faire avec ce vénérable du sommet? Le vénérable du sommet vous proposera une énigme. À vous d'y répondre sans erreur. Si vous vous trompiez, les conséquences seraient funestes. En ce qui vous concerne, bien entendu. Bien entendu. Alors, il paraît effectivement d'un calme absolu et pourtant c'est un homme inquiet, inquiet du monde dans lequel on vit. Je vais en discuter avec lui au cours de l'émission. Vous verrez qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et pas peur de l'écrire non plus d'ailleurs. Ça sent l'urgence de le dire, l'urgence de sonner l'alarme aussi. C'est ce qu'il fait et ça donne un livre inquiétant mais nécessaire, je pense. Il faut nommer les choses pour pouvoir leur donner une forme et pour pouvoir enfin commencer à essayer de les changer. Et c'est exactement ce qu'il fait. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Bonne émission. Survivre à l'offensive des riches, donc, ça veut dire que nous sommes en danger, direz-vous, et les riches mènent une offensive, vous le saviez pas. Effectivement, c'est un peu le concept de base de Roméo Bouchard. Lui, il le sait, en tout cas, il le dit, et clairement d'ailleurs, ça c'est un fait. Et c'est un point de vue documenté, hein, je tiens à le dire, qu'il nous présente, c'est tout sauf écrit sur le coin de la table, vous allez voir. On vient d'ailleurs on tourne la première page et on tombe sur ceci. Nous sommes pris au piège d'une société de production et de consommation compulsive qui se referme sur nous et nous étreint mortellement. Quinte-toi. La table est mise et faut avouer qu'on sait qu'il dit vrai parce que c'est effectivement une société de production et de consommation compulsive, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Et on se demande où est-ce que ça va arrêter tout ça. Puis l'auteur, il ouvre clairement son jeu et ça donne ceci. J'ai l'impression que nous sommes emportés malgré nous dans un train fou, que tout est en péril. Le Québec, notre pays, la planète, notre maison commune, tout nous échappe. La démocratie se réduit au droit de vote tous les 4 ans. Nos représentants politiques sont désormais totalement asservis au pouvoir économique et financier. Le discours des dirigeants sur l'austérité a si bien fait son chemin dans la tête des citoyens que plus rien ne peut lui résister. Les banques privées contrôlent les finances publiques. La course au pétrole n'a jamais été aussi effrénée. Nous sommes attaqués sur tous les fronts à la fois individuellement, collectivement, localement, mondialement. Tout se dégrade devant nos yeux, l'État, le système de santé, l'éducation, le français, les régions éloignées, les pays en développement, l'eau, l'environnement, le climat, la solidarité sociale, la planète entière. Les conflits pourrissent en Palestine, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Érythrée. Nous assistons à une fin de régime, de civilisation, de cycle planétaire. Tout est en péril, sauf le pouvoir des riches qui tire les ficelles, ramasse les dividendes et semble bien déterminé à siphonner le sang de cette planète jusqu'à la dernière goutte. Pour eux, tout se déroule comme prévu. Les gouvernements et les citoyens endettés sont à la merci des banques et des agences de crédit qui contrôlent les cordons de la bourse et empochent les intérêts. Les déficits gouvernementaux justifient les hausses de tarifs et le recours au privé dans les services publics. L'écart de richesse se creuse d'année en année au profit des plus riches. 42% des Québécois gagnent moins de 25 000 $ par année, soit à peine plus que le seuil de pauvreté. Les impôts et les taxes ne cessent d'augmenter pour le monde ordinaire et de diminuer pour les riches et les compagnies. Le pouvoir d'achat des travailleurs augmente moins vite que les gains de productivité. La classe moyenne accepte de travailler toujours plus pour augmenter son pouvoir d'achat. Les consommateurs sont prêts à tous les compromis pour ne pas perdre leur emploi et leur niveau de vie. Le chômage et la précarité des emplois permettent de maintenir les salaires au plus bas. Les syndicats n'ont plus la cote et les grèves sont critiquées. Le mythe de la création de la richesse a remplacé l'idéal de la redistribution de la richesse. Le dogme de la croissance illimitée fait oublier que les ressources de la planète sont limitées. Les banques et les fonds spéculatifs font des profits faramineux. Les baisses d'impôts aux entreprises servent de prétexte pour stimuler l'économie. L'évasion fiscale est tolérée comme une stratégie fiscale légitime pour les créateurs de richesses. La corruption dans l'octroi des contrats fait partie du développement normal des affaires. Les partis politiques, les experts et les grands médias privés se donnent la main pour légitimer la réduction des dépenses publiques et la privatisation de nos biens collectifs. Les services de police et de renseignement ont le feu vert pour discréditer et réprimer les opposants au nom de l'ordre et de la démocratie légitime. L'économie mondialisée et l'immigration abolissent les frontières et effacent l'identité des peuples. La croissance toujours insuffisante de l'économie aux yeux des riches oblige à repousser toujours plus loin les préoccupations qui concernent l'environnement et la biodiversité, le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources naturelles. La mobilité croissante justifie la course effrénée au pétrole. En un mot, les riches ont le champ libre et le contrôle absolu. Loup parfois déguisé en mouton, il profite de la crise des finances publiques pendant que le monde ordinaire réduit à une sorte d'esclavage par le travail et l'endettement, paie les frais. Alors, ça commence très fort, hein, avec Roméo Bouchard, comme ça, qui parle d'à peu près tous les éléments qui posent problème, tous les enjeux qui comptent, et il nous dit finalement que ça marche pas du tout. Et effectivement, à l'entendre, ça a l'air foutu. Et reprenant le concept élaboré par Noam Chomsky, celui de la fabrication du consentement, qui est un livre remarquable d'ailleurs, il dit ceci. Cette conspiration des puissants et des riches contre le peuple, dont les libéraux et leurs banquiers de service se font les champions chez nous, est devenue si généralisée, si liée aux institutions politiques, si intégrée à un système industriel et financier mondial, si habile à coloniser les esprits et l'imaginaire des consommateurs, que nous sommes devenus, que nous nous sentons tous, d'une façon ou d'une autre, impuissants à nous en dégager et à nous y opposer. Comme des drogués, nous continuons à consommer, même si nous savons que ça va mal tourner, car nous sommes incapables d'imaginer, nous en penser. Effectivement, question intéressante, seriez-vous capable de vous priver de votre cellulaire ou votre iPad pendant, disons, 48 heures? Et cet esprit colonisé, cet esprit dépendant, Roméo Bouchard ne le voit pas comme que pour notre comportement économique, mais aussi dans notre comportement politique, hein? Alors, je poursuis, il dit ceci. Nous sommes clairement engagés dans cette voie, on parle de démocratie bafouée. Les sondages nous rappellent, mois après mois, qu'une majorité de Québécois n'ont pas encore compris que c'est eux, le petit peuple, qui font les frais de l'austérité de Couillard, du militarisme de Harper et du colonialisme du Canada à notre égard, qu'ils sont prêts à tout, plutôt qu'à l'indépendance et même qu'à un référendum sur l'indépendance. Un consentement fabriqué, selon l'expression de Noam Chomsky et d'Edward Herman, ou une servitude volontaire, selon le mot d'Étienne de la Boétie, semble nous condamner à la misère sans fin. Serons-nous d'éternels esclaves résilients? Pose des questions importantes, n'est-ce pas? La servitude volontaire, le bonheur qui dépend du pouvoir d'achat, ce sont des choses qu'on entend souvent, oui, mais ça brasse chaque fois qu'on l'entend. Oui, on est devenus des bibites à consommation, des esclaves du centre commercial, du magasinage, une société de divertissement, du futile. D'ailleurs, le philosophe Michel Onfray impute une bonne part de la responsabilité aux médias, qui, dit-il, ont intérêt à cultiver l'imbécilité. Et ils le font plutôt bien, d'ailleurs, il ajoute. La société de consommation inventée pour permettre aux grands patrons et à leurs actionnaires de faire le plus d'argent possible en vendant toujours plus de produits et de services opère à la façon d'un vaste filet qui emprisonne nos vies et nos esprits. La servitude de la consommation entraîne la servitude du travail et celle de l'esprit. Appelons ça le système capitaliste, néolibéral, productiviste, consumériste. Grâce à nos constitutions libérales qui ont fait de la propriété privée et de la liberté individuelle des principes sacrés au détriment du bien commun, à la technologie qui multiplie de jour en jour la capacité de production, à la publicité, à la mode et à la mode qui colonise nos désirs et nos besoins, au marketing et à l'obsolescence programmée qui nous impose des produits non nécessaires et non durables, au crédit qui gonfle artificiellement notre pouvoir d'achat, aux moyens de communication qui nous rendent tous et partout semblables, rêvant des mêmes modèles de consommation, de pensée et de vie, à un système politique et juridique inféodé aux intérêts financiers, à Big Brother qui voit tout, qui sait tout et qui contrôle tout à distance, plus rien n'échappe désormais à cette société d'abondance marchande dominée par l'offre et la demande, où ce qu'on appelle l'économie englobe et conditionne désormais tout, y compris la culture, la vie sociale, l'environnement, la liberté, l'identité, l'âme, le bonheur lui-même. Chacun est emporté dans sa course pour un bonheur qui se définit en termes d'argent disponible pour acheter toujours plus, un bonheur conditionnel au pouvoir d'achat. On se reconnaît quand même dans ce portrait, ma foi, sombre. Je poursuis donc. Une des conséquences les plus troublantes de ce consentement est la rancœur et le ressentiment obscur qui semble s'emparer ici comme ailleurs d'un grand nombre de citoyens, de la classe moyenne surtout. On en veut à tout le monde pour le mauvais état des finances publiques et de l'économie, pour les étudiants gâtés, les pauvres paresseux, les fonctionnaires fainéants, les syndicats gradures, les baby-boomers égoïstes, les gauchistes du plateau, les chialeux professionnels, les immigrants qui nous envahissent, et au lieu de s'unir et de défendre l'état social, on donne raison au discours des dirigeants, on se replie sur l'individualisme et le chacun pour soi. On se range du côté des démagogues et des partis d'extrême droite. 53% des Québécois se disaient d'accord avec les compressions de services dans un sondage réalisé en avril 2015 et 42% considéraient que les plus démunis devraient se débrouiller par eux-mêmes plutôt que d'être davantage aidés par l'État. La réaction négative du public envers les contestations étudiantes du printemps 2015, 66% selon un sondage, illustre aussi cette attitude. Alors, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1. Pour nous joindre, c'est facebook.com/Éconophile891. Ah! Continuons, mademoiselle. Alors, effectivement, si vous voulez nous écrire et faire part de commentaires, d'ailleurs, concernant le thème de la semaine, hein, on parle de « Survivre à l'offensive des riches », cet excellent livre de Roméo Bouchard. D'ailleurs, je vous en recommande la lecture chaleureusement. Ça fait un peu pompeux pour Roméo Bouchard, j'aime bien. Je l'ai effectivement rencontré il y a quelques semaines de cela déjà, d'ailleurs. Et j'ai commencé par lui demander, bien entendu, ouvrage, ma foi, important, assez sombre aussi. Alors, quel était son état d'esprit? Alors, le voici. Monsieur Bouchard, j'ai lu votre livre et ce qui m'a frappé, c'est le sentiment qui se dégage quand on le lit. C'est-à-dire qu'on sent quelqu'un de déçu, peut-être frustré, peut-être en colère, peut-être même démoli. J'avais l'impression que vous, par certains passages, que vous êtes presque démoli et qu'il y a un cri d'alarme, une urgence. C'est quoi votre état d'esprit par rapport à la situation qu'on peut constater, là, vraiment, qui est très sombre, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les premières pages, dans les premiers chapitres de votre livre? Donc, je suis un vieux militant, un vieux guerrier, là, j'en suis pas à me décourager à un échec de plus, là. Mais c'est évident que je constate que toute l'action citoyenne est de plus en plus impuissante et de plus en plus cernée, et que le mécanisme délibéré, planifié du système, de ceux qui dirigent le système économique, mondialisé maintenant, financiarisé, est devenu tellement puissant qu'on n'a plus de prise dessus. Et ça, c'est la différence avec quand on dit « Ah, il y a toujours eu des empires qui se sont écroulés, il y a toujours eu... » Non, c'est pas pareil cette fois-ci, parce que là, on a vraiment un pouvoir mondial, un pouvoir planétaire qui est entre les mains d'une poignée de riches, de banques, de multinationales. Ces gens-là, maintenant, peuvent contrôler complètement les États. C'est-à-dire, leur action est ultra-frontière. Elle est ultra-nationalité, ultra-religion, de sorte qu'il n'y a plus rien qui vraiment peut leur résister. à la machine de consommation qu'ils essaient d'alimenter sans aucun sentiment de responsabilité envers la planète qui ne peut pas supporter indéfiniment un tel délire d'extraction des ressources, de pollution, de dérèglement des écosystèmes et du climat. T'sais. Parce que vous le dites bien d'ailleurs, que le portrait, vous faites la tournée, hein, autant l'agriculture, l'environnement, la démocratie aussi, mais et justement on le mesure bien dans les discours politiques parce que essentiellement, si on va de temps à autre se dire vert, reste qu'est-ce qui va souvent primer, c'est il faut consommer, il faut qu'il y ait de la consommation, il faut que l'économie La croissance, c'est délirant. Tu sais, c'est un cas du monde. On ne met pas. Le bonheur est lié au pouvoir d'achat, au pouvoir de consommer, etc. Disons que le sentiment d'urgence que j'essaie de créer dans ce livre-là n'est pas uniquement le mien. C'est-à-dire que c'est très volontaire et le format même de l'écriture, ce livre-là, avec beaucoup d'accumulation, d'énumération, je veux essayer de réveiller l'espèce de bonne conscience quand même qu'on se donne, tu sais. Tous les scientifiques actuellement, les organismes économiques mondiaux, même les grandes fondations capitalistes comme Rockefeller, tout ça, tout le monde est d'accord que ça ne peut pas durer actuellement. Ça va péter quelque part, là, soit au niveau du climat, de la pollution, des inégalités sociales, de la rareté des ressources. Ça peut pas tenir, là, l'élastique est trop étiré, là. Mais on continue, les dirigeants puis la population, les citoyens, à se rassurer. À dire, faut pas exagérer, ça a toujours été un peu comme ça. La science va régler les problèmes, là, il va y avoir des nouvelles technologies, l'économie verte progresse bien. En d'autres mots, on se rassure. Et les dangers qu'on nous prédit, tout ce monde scientifique-là, actuellement, c'est pas pour dans 200 ans, là, ni pour 100 ans. C'est dans les 25 prochaines années que ça va commencer à frapper très dur si on n'inverse pas la direction actuelle. Alors, moi, je veux vraiment essayer de montrer l'urgence de choses, comment il faut prendre ça au sérieux actuellement et qu'on ne le prend pas vraiment au sérieux. Parce qu'il y a peut-être au travers de ça une espèce de confort et d'indifférence. En tout cas, au quotidien, on mène nos choses, les enfants vont à l'école, on va faire ce qu'on a à faire, on va au travail. Si bien que c'est un peu comme dire dans 25 km, il y a un virage parce que c'est le précipice, j'ai le temps encore en masse. Il me reste 24 km point quelque avant d'avoir à tourner. C'est exactement ça. Et l'autre élément qu'il y a dans ce tableau-là que je fais, c'est que je trouve qu'on est évidemment, on est sollicité, puis les médias contribuent à ça, là. On juxtapose les problèmes, t'sais. Une semaine, là, le problème, c'est la laïcité. Semaine après, c'est complètement autre chose. C'est Énergie S. Une autre semaine après, c'est les migrants qui meurent sur les plages. T'sais. Et on a fait... L'information officielle ne fait aucun lien entre ces choses-là, ne fait pas d'explication de ça. Alors qu'en réalité, je trouve qu'on a un besoin très grand actuellement, d'une sorte de synthèse, d'une sorte de constat synthèse pour arriver à dégager les causes les plus centrales du désordre et les stratégies, les points où il faut vraiment s'attaquer au lieu de disperser nos énergies à gauche, à droite, en enfilant toutes les bonnes causes qui se présentent, parce que là, visiblement, on ne va nulle part avec cette fragmentation-là de l'action citoyenne. « C'est l'émission Éconophile au 89.1, c'est David Lemelin au micro et ça se poursuit. Donc, vous l'avez entendu, hein, Roméo Bouchard présente un tableau sombre, très très sombre, mais il faut avoir la lucidité, ouais, voilà certes un mot plutôt chargé politiquement, donc oui, la lucidité, l'honnêteté de reconnaître ce qui se passe, et là-dessus il dit « Le redressement de la situation exigerait des choix et des changements majeurs. Nous n'y arriverons pas par des politiques d'austérité qui ne s'attaquent aux dépenses publiques, ni par des programmes de relance économique ou d'économie verte, si on ne change rien au productivisme et à la cupidité irresponsable de ceux qui contrôlent et la politique et l'économie. C'est notre modèle de développement et notre modèle de démocratie qu'il faudrait revoir en profondeur si nous voulons survivre sur cette planète. » Effectivement, quand on y pense, c'est vrai, là, on peut pas vouloir changer des choses, mais sans prendre soin de changer la base, ce qu'on fait. Si on pollue, qu'on pousse la planète à bout, la solution, ça peut pas être de produire davantage pour nourrir tout le monde, ça n'a pas de sens. Faut plutôt regarder ce qu'on fait. Dans la deuxième partie, on aborde le chapitre intitulé « L'offensive des riches » et il écrit ceci. « La priorité, c'est l'économie, l'emploi, le pain et le beurre. Pour redistribuer la richesse, il faut d'abord la créer. » L'État-providence n'est plus possible, place à l'État-provigo. L'offensive concertée de l'oligarchie bancaire et économique frappe partout en même temps. Tout est attaqué. Il est temps de voir ce qui se cache derrière cette crise fabriquée par les riches, de découvrir ce qui nous échappe dans le discours qu'on nous tient, de prendre la mesure du péril qui nous guette, si nous voulons réagir avant qu'il ne soit trop tard. Effectivement, plus loin, donc il dit... Nos démocraties représentatives sont devenues des ploutocraties contrôlées par une aristocratie bancaire et industrielle. Et en parlant du portrait politique, il ajoute ceci. On n'y lit pas des représentants, mais un parti. Notre mode de scrutin n'assure pas un nombre de députés correspondant au nombre de votes. Le parti qui a le plus de députés contrôle seul l'Assemblée nationale et le gouvernement. Dans notre système parlementaire britannique, le premier ministre est un monarque. Les banques et les maîtres de l'économie dictent les lois. Le lobbyisme et le va-et-vient entre politiciens et gens d'affaires, porte tournante, permettent aux riches d'infléchir les décisions en leur faveur. Et c'est un fait, ça a déjà été dit. Le premier ministre a une emprise sur sa société qui est encore plus importante, toute proportion gardée, que le président américain. Parce que le président américain, il a ce qu'on appelle en anglais le « checks and balances », le poids et contrepoids. Un petit salut à mon professeur de sciences politiques, Guy-Antoine Lafleur, qui parlait des « checks and balances ». Effectivement, il y a un poids contrepoids qui permet de limiter, dans une certaine mesure, l'action du président, ce qui est moins vrai quand on a un gouvernement majoritaire, notamment. Mais est-ce que les riches contrôlent tout? Est-ce que c'est la théorie du complot? Non, c'est vrai, je me souviens, c'est la gauche qui contrôle tout, hein, qui contrôle tous les médias. C'est, bon, c'est à peu près juste le devoir, mais tu sais, c'est lu partout. Ben, partout, pas partout, là, mais dans tous les lieux de pouvoir, là, fait que, hein, c'est puissant, là, hein, ils ont toutes les radios, bon, ben, aucune radio, mais, tu sais, ils ont toutes les télés, là, bon, ben, il y a Télé-Québec et ses 127 téléspectateurs, mais bon, c'est puissant, ça. Donc, la gauche contrôle tout, mais le message qu'on entend toujours le même dans les médias est plutôt d'un autre genre, du type, on n'est pas bon, on est bon à rien. Et ça, Roméo Bouchard les rappelle, ces choses-là. Nous travaillons moins que les autres, nous sommes moins productifs que les autres, nous sommes plus endettés que les autres, nous payons plus d'impôts que les autres, nous n'avons plus les moyens de nos programmes sociaux. L'État doit être géré comme une entreprise privée par l'entreprise privée. Alors, à propos de cela, les riches qui, dit-on, contrôlent tout, la réponse de Roméo Bouchard est la suivante. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à quelqu'un qui lit ça et qui dit, entre autres, les riches, mon Dieu, les riches possèdent tout, c'est la théorie du complot, ça y est. Qu'est-ce que vous dites à ça? Étrangement, je m'attendais à avoir de la difficulté dans les médias, tout ça, à défendre ce livre-là. Je m'attendais à ce qu'on me dise, bon, ben, c'est de l'alarmisme, etc. Ben, et étrangement, ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que ce que je rencontre dans les médias, comme dans les conférences ou les présentations que j'ai eu à faire dans les salons du livre ou ailleurs avec des groupes, je me rends compte que les gens acquiescent assez facilement à ce constat-là. C'est-à-dire qu'ils sont conscients, dans le fond, que c'est très sérieux. C'est juste qu'ils sont impuissants. Alors, ça sert à rien de brailler pour rien. On n'a pas de prise sur rien. Alors là, pour le moment, on fait ce qu'on peut. On fait nos petites actions individuelles. On essaie de comprendre, peut-être un peu. Mais bon, en réalité, les gens sont très conscients de ça. Les dirigeants, évidemment, aussi, mais ils ne veulent pas le montrer parce que ils ont d'autres objectifs. Vous les qualifiez de petits despotes. C'est clair. C'est très gentil, d'ailleurs, despote. Quant à moi, ce sont des malades mentaux. Ce sont des psychopathes. Actuellement, le comportement des dirigeants, des politiciens, des grands dirigeants économiques, des grands banquiers, c'est carrément mental. T'sais. Là, il y a un aveuglement volontaire et il y a une poursuite de effrénée d'un système dont, dans le fond, on sait qu'il ne tient pas. Tu sais, la croissance, je pense que même chez les dirigeants économiques actuellement, ils sont conscients que la croissance ne reviendra pas. Et qu'il va en avoir de moins en moins de croissance. Parce que partout, le fardeau du développement est de plus en plus lourd. Les ressources conventionnelles, facilement atteignables, exploitables, sont de plus en plus rares. Donc, il faut aller dans des exploitations qui sont beaucoup moins rentables. Même le projet NRJ-S, par exemple, si le coût du pétrole n'augmente pas, il ne sera pas financé par les banques. Parce que déjà actuellement, même les gaz de schiste au Dakota, aux États-Unis, les banques ne veulent plus investir là-dedans. Et on est obligé d'accélérer tout le temps l'ouverture de nouveaux forages pour essayer de tenir la machine, l'empêcher de faire faillite. Oui. Alors, on est dans cette course-là à reculons actuellement. Mais est-ce que les politiciens sont au fond des porte-parole de la finance? Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Il n'y a aucune gêne à le dire. C'est démontré à tous les jours. Les portes tournantes entre le monde de la finance et le monde de la politique sont... Donc, ceux qui vont en politique et en sortent et qu'ils restent... Ouais. On a trois banquiers... un de moins. Au gouvernement, là, on a un de moins. Et regardez tous ceux qui sont poursuivis par les politiciens qui sont poursuivis par... la commission Charbonneau ou les suites de ça sont tous des gens qui sont déjà replacés dans l'industrie. T'sais. C'est sûr qu'il y a plein de types qui se présentent comme députés, qui sont sincères, qui ont des bonnes intentions, mais ils sont toujours complètement intégrés à un parti. Et au moment même où ils acceptent la convention ou la... comment on appelle ça, l'investiture du parti, ils sont déjà les mains liées, là. Oui. On le voit tous les jours. Les consciences disparaissent ou changent. C'est ce qui permet au monde financier de contrôler les politiciens, c'est les partis. Le mécanisme pervers le plus pervers dans la démocratie de représentation qu'on a en ce moment, c'est le contrôle des partis sur la représentation des citoyens. Ouais, le premier ministre en chambre est tout puissant. Avec la majorité parlementaire, il fait ce qu'il veut. T'sais, l'élection est réduite à une mascarade parce que les citoyens ne choisissent même pas les candidats. Les candidats sont choisis par les partis, ils leur sont présentés sur le bulletin de vote, les mains déjà attachées. Et on voit comment fonctionne le gouvernement. Ensuite, à l'interne, le bureau du premier ministre contrôle tout. Il n'y a pas de mécanisme, aucun mécanisme citoyen contraignant qui peut permettre aux citoyens d'intervenir de façon contraignante entre deux élections. Des choses comme ça, là, c'est clair qu'on est piégé complètement. Alors, c'est l'émission Econophile au 89.1 qui se poursuit. Ils sont maintenant parvenus à leur ultime offensive, le démantèlement de l'État-providence, redistributeur de la richesse, l'État social, au profit d'un État réduit à son rôle de contrôleur au service des intérêts économiques. Au nom d'une crise des finances publiques fabriquée de toutes pièces par les banques, on s'attaque donc aux dépens de l'État et, par le fait même, aux services qu'elles rendent possibles, de façon à ramener ces services dans la sphère marchande de l'entreprise privée. C'est le règne de la juste part, le principe de l'utilisateur-payeur, l'arme de la tarification, l'éloge de la privatisation, les baisses d'impôts pour les entreprises qui créent la richesse, le dogme de la primauté absolue des intérêts économiques. La plupart des économistes et analystes se font les prédicateurs de cette nouvelle religion des chiffres désormais bien implantée dans les médias et les écoles supérieures. Ils appellent ça l'austérité ou la rigueur budgétaire. Effectivement, ce sont des termes qu'on entend très, très souvent, et encore aujourd'hui. Et tout ça donc amène l'auteur à un constat terrible. L'État est en péril, il est devenu l'instrument des banquiers. Effectivement, il y a des banquiers au pouvoir, ça c'est un fait. Bon, il y en a un qui est parti, comme je disais dans l'entrevue, mais il en reste. Il parle des petits despotes, hein, vous l'avez entendu également, qui nous gouvernent, qui livrent l'État aux banquiers. Donc, en gros, les riches ont gagné, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et en citant Jean-Louis Servan-Schreiber, il dit ceci. Comme il le fait remarquer, les riches sont les seuls à disposer d'un pouvoir mondial. Ils échappent facilement à la fiscalité des États nationaux. Ils contrôlent l'essentiel de l'argent sur la planète. Ils contrôlent les médias. Ils préfèrent infiltrer le pouvoir politique plutôt que le détenir. La religion de l'argent domine le débat mondial. L'égalité des chances est devenue plus importante que l'égalité des revenus. L'endettement individuel des citoyens qui s'ajoute à celui des États vient refermer les murs de notre prison. Le crédit, ce pouvoir d'achat gonflé artificiellement, est devenu la clé de l'esclavage auquel nous ont réduit les banquiers. Il nous faut travailler toujours plus et dans des conditions de plus en plus précaires pour payer nos dettes. Et l'endettement commence de plus en plus jeune avec la dette que doivent accumuler les étudiants pour terminer des études de plus en plus longues. Comment les riches ont-ils fait pour que nous les considérions comme nos bienfaiteurs et que nous acceptions de payer pour leur vol? Nous sommes tous victimes du syndrome de Stockholm, sympathie de l'otage envers son ravisseur et de l'esclave envers son maître, et de la plus vaste colonisation des esprits de l'histoire. Le développement humain est en péril, les banques ne fabriquent que l'enrichissement des riches. Hein, ça me prendrait un violon triste, là, maintenant. Mais ce livre-là, soit dit en passant, n'est pas que négatif. Là, je présente le tableau, le portrait qu'il trace lui-même, qui est effectivement sombre, mais je lui ai posé la question. Vous abordez dans une bonne partie de votre livre des solutions. Quelles sont-elles? Mais quand même, vous abordez des solutions. Vous parlez de solutions dans votre livre. C'est pas du charbon tout le long. Il y a de la lumière un peu là-dedans. Parlez-moi des solutions. Vous croyez quand même que ça passe par la politique. Ça, j'avoue, quand je l'ai lu, j'étais quand même surpris. Vous croyez que ça passe encore par la politique? Oui, mais c'est-à-dire que j'ai pas écrit ce livre-là juste pour décourager le monde, au contraire. D'ailleurs, les gens qui l'ont lu au complet sont tous des gens qui trouvent que c'est un livre qui apporte l'espoir. Bon, je dis la politique, le salut peut venir de la politique, pas n'importe quelle politique, évidemment, mais de la restauration du pouvoir du peuple, du pouvoir des citoyens. Parce que si les mécanismes de décision collective continuent à être ce qu'ils sont actuellement, contrôlés par la finance, il n'y en a pas de solution. C'est clair qu'on s'en va vers le drame. Comment il va éclater, à quel moment, quelle va être l'ampleur des dégâts, tout ça, on peut même pas le figurer, mais c'est certain qu'on s'en va vers un dérèglement d'abord des écosystèmes qui va rendre la vie extrêmement difficile aux humains. Et un dérèglement de tout le système social, tout le système économique. Donc, il va falloir recréer presque de A à Z, la façon de fonctionner, tu sais. Et puis pour vous, c'est par la, c'est faut faire une assemblée constituante. Pourquoi j'en viens là, là? Donc la cause, si la cause actuellement de notre impuissance est du fait qu'on ne peut pas redresser le mouvement, c'est que les décisions nous échappent et sont entre les mains des financiers. L'endroit clé pour essayer de changer les choses, c'est là. C'est dans la restauration de la démocratie, du contrôle des décisions collectives par les citoyens, au lieu que ce soit par le pouvoir financier. Le reste viendra, ça vient ensuite, une économie verte, une économie de partage, une économie de proximité, tous ces éléments-là, on le voit bien, là, il y a plein de monde, ils viennent avoir un forum social mondial, il y a plein de monde qui défendent ça, là, mais on gagne pas de terrain, là, parce que on contrôle pas les décisions. L'action personnelle ou l'action alternative, marginale, c'est nécessaire pour élaborer des modes, des nouveaux modes de faire, tout ça. Mais ça ne permet pas de changer les politiques, les lois, les fonctionnements de l'économie comme tel. Je donne souvent l'exemple de l'agriculture biologique. Tu sais, ça fait 40 ans que l'agriculture biologique est au Québec. Et actuellement, on est à peu près à 1,5% de terres cultivées qui est certifiée biologique et 1,5% des aliments bio que le monde achète qui sont des aliments bio. Mm. Et depuis 10 ans, c'est plafonné. Donc le système est insatisfaisant, donc on change le système. Les règles du jeu. Ouais. Les règles du jeu démocratique. Et à ce moment-là, on pourra faire évoluer le système économique et le système social et tout ça. Maintenant, à mon sens, là, même si le projet d'assemblée constituante comme mécanisme pour permettre aux citoyens de reprendre au moins le début, de commencer à reprendre le contrôle, parce qu'une constitution, c'est ce qui établit les règles du jeu démocratique. Mais c'est pas magique, là. Ça change pas tout du jour au lendemain. Ça donne un outil qui peut être continuellement, année après année, amélioré. Mais c'est un outil essentiel. C'est le point de départ. Et une assemblée constituante, c'est pas une invention, là, depuis. Non, vous citez des exemples. La démocratie est inventée, qu'il y en a. Et ces dernières années, il y en a eu des particulièrement intéressantes sur le plan démocratique, sur le plan citoyen, comme celle qu'il y a eu en Amérique du Sud, dans l'Équateur, en Bolivie, etc. T'sais. Donc, faut commencer là. Faut mettre, je dirais, l'énergie là, parce que autrement, le reste, on pédale dans le vide. T'sais. C'est un livre qui est relativement petit, donc j'ai pas pu aller dans tous les détails. Ouais, vous auriez pu faire 600 pages, mais ça en fait quoi? Même pas 200. Ah, alors, mais moi, ça fait 6 ans que je travaille là-dessus. C'est-à-dire que après avoir fait ben des combats, j'en suis venu justement à cette conclusion-là. C'est ma proposition. Et c'est une proposition qui a l'avantage, en plus, d'être très rassembleuse. Ça prend un peu d'explication, c'est sûr, parce qu'on a comme perdu l'idée même de la démocratie, là. Puis on a comme perdu la confiance même en la souveraineté du peuple. Mais ça revient vite, parce que les gens sont pas fous. Et quand on a participé à la campagne électorale de 2012 avec la coalition pour la constituante, les gens comprenaient très vite que ça ne suffit pas de changer de parti, il faut changer les règles du jeu. Alors, sinon, on est dans le pareil. Vous demandez même de changer de pays aussi, là. Oui, parce que si les gens se mettent en chantier vraiment pour redéfinir les règles du jeu au Québec, c'est clair qu'ils vont se frapper constamment à la question qu'on ne contrôle pas tous les pouvoirs, qu'on ne contrôle pas le fleuve Saint-Laurent, les ports, l'océan, les aéroports, le commerce extérieur, la monnaie, etc. Donc, Moi, je calcule que, surtout dans l'impasse où est présentement la question de l'indépendance et surtout de l'indépendance par référendum sur la souveraineté de l'État, je crois que c'est l'approche de l'exercice constituant aurait l'avantage de remettre un peu tout le débat du statut politique du Québec aux gens en dehors des partis et que les gens fassent eux-mêmes la démarche. T'sais, donc, on dépolitise, on départisanise toute la question et pour toutes les autres questions qui sont traitées aussi dans une constitution, comme les règles du jeu concernant l'économie, les ressources naturelles, l'information, la démocratie de l'information, etc., la démocratie culturelle, je pense que on sort de la dynamique un peu polarisante là, de gauche-droite. L'objectif démocratie est quelque chose qui peut rallier tout le monde. Et dans le travail municipal, par exemple, moi, il y a beaucoup de gens, et je suis un de ceux-là, qui pensent qu'on devrait actuellement faire ça, beaucoup de travail dans ce sens-là au niveau des communautés locales, des communautés de base. Je pense que c'est pas une question de créer un mouvement municipal de gauche. L'idée, elle est de créer des communautés démocratiques locales. T'sais, où les gens vont participer, où le conseil municipal, au lieu de gouverner sans les citoyens, va devenir comme le grand comité de citoyens, t'sais, qui va aider les citoyens, puis que les citoyens, au lieu de faire leur action en étant obligés de se battre contre les élus municipaux, au contraire, va pouvoir retrouver là une écoute, puis la coordination de beaucoup de choses. Dans ce sens-là, c'est un projet qui me paraît très, très, aller beaucoup au-delà des polarisations actuelles, très rassembleur et très accessible au monde ordinaire. Tout le monde comprend ça, là, qu'il faudrait qu'il y ait un mot à dire dans les décisions. Mot de la fin, parce qu'il y a toute bonne chose à une fin. Quand même, vous, votre vision de l'avenir, la note sur laquelle vous voulez nous laisser? Disons, j'ai tendance à répondre quand les gens me disent qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les solutions. Moi, je dis probablement qu'il n'y en a pas de solution parce qu'on est dans un mécanisme de contrôle des décisions par les riches et que ces gens-là vont aller jusqu'à temps que ça pète. Ils vont tirer le maximum jusqu'à temps que ça pète et eux vont être d'ailleurs les derniers à en souffrir parce qu'avec leur richesse, ils vont pouvoir se protéger. Mais on peut, par exemple, se préparer à faire face aux situations dans lesquelles on va se retrouver. Donc, à faire face à un environnement naturel beaucoup plus hostile, à faire face à des grandes perturbations de peuples, de migration et tout ça. Donc, et c'est là que je trace un peu l'idée d'aller vers une économie de proximité, une économie de partage, une économie écologique qui respecte les écosystèmes. Et là-dessus, on peut déjà là, s'entraîner parce que même si c'est un peu difficile, on est à l'aise, là, tout va bien, on n'a pas de misère, on manque pas de nourriture, mais les raretés alimentaires s'en viennent. Ça peut probablement être les premières qui vont nous frapper. Rareté de l'eau, rareté des aliments. Alors, on peut déjà, au lieu de favoriser l'importation de chétumes, de salades, de laitue de Californie en avion, pourquoi chaque MRC ne ferait pas un plan d'autosuffisance alimentaire pour porter à un taux le plus élevé possible d'auto-alimentation dans leur région, tu sais. On va manger de la laitue de Saint-Germain. Merci beaucoup, Roméo Bouchard. Merci. Merci. Ouais, c'est un très intéressant et passionnant personnage, Roméo Bouchard. Roméo et sa Juliette, ben, c'est la planète. Il l'aime éperdument, c'est très évident. Mais comme dans la tragédie de Shakespeare, ben, ça se terminera plutôt mal. En tout cas, pas comme dans la finale d'un bon petit film américain cute et gentil, non. Il annonce des jours difficiles, rareté alimentaire, rareté de l'eau, faut s'y préparer. Il dit « La solution réside dans le peuple. Survivre ne sera possible que si nous sortons de notre impuissance à briser nos fers et reprenons le contrôle du train qui nous emporte. » Il faut sonner l'alarme, rompre les chaînes, briser le consensus fabriqué par les médias, contrer le discours trompeur des riches et des politiciens. Et ben, pour faire ça, ça prend une assemblée constituante qui réécrit les règles. C'est le seul moyen de rétablir la primauté du bien commun sur les intérêts privés, nous dit l'auteur. La démocratie, la vraie, est notre seul espoir, notre seul levier pour nous attaquer aux causes des désordres collectifs que nous déplorons et celle plus profonde de notre impuissance. C'est donc le chantier prioritaire dans lequel les autres projets se frapperont au mur du pouvoir usurpé par les riches. Il faut changer les choses, produire en fonction de nos moyens, mettre un frein à la croissance à tout prix, et c'est ça qu'il nous dit, dans le fond. Alors, ça s'appelle « Survivre à l'offensive des riches » de Roméo Bouchard chez Éco-Société. Un beau livre, sombre, oui, ou plutôt franchement lucide, qui injecte néanmoins, vous l'avez entendu, une dose d'espoir. C'est positif. Et il y a quelque chose à faire, c'est surtout qu'il y a quelque chose à faire, mais ce sera dur. Alors, lisez ça et vous m'en donnerez des nouvelles. Alors oui, c'est déjà tout pour nous. Merci de tout cœur à notre invité Roméo Bouchard. Ça a été extrêmement intéressant. La semaine prochaine, je lirai des extraits du livre de l'économiste français Jacques Généreux intitulé « Pourquoi la droite est dangereuse ». J'aime ça les titres qui parlent, moi. C'est clair de même, pas d'ambiguïté du tout. Donc soyez là, l'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute, merci infiniment. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux ou à écouter en balado n'importe quand, c'est possible. Merci, je vais lire vos commentaires sur Facebook avec beaucoup d'intérêt. Bonne semaine et à samedi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.